Le Salon Noir. C'est une découverte exceptionnelle, car elle nous fait remonter au plus lointain de nos origines, parce qu'elle nous éclaire sur une société dont on ne sait quasiment rien, mais surtout parce qu'elle est d'une étonnante actualité. Elle vient d'être publiée dans une des plus grandes revues internationales, PLOS ONE, et porte sur l'histoire d'un enfant, d'un traumatisme, de lésions et d'une mort encore plus émouvante. Pour en parler, remonter le temps, loin, très loin, trois des six co-auteurs sont aujourd'hui dans le Salon Noir. Anne-Marie Tillier, Hélène Coqueniot, Olivier Dutour, bonjour. Bonjour. Bonjour. Hélène Coqueniot, Anne-Marie Tillier, vous êtes directrice de recherche au CNRS, Olivier Dutour, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous travaillez tous trois dans la meilleure unité de recherche en anthropologie biologique du laboratoire PACEA, de la préhistoire à l'actuelle, culture, environnement et anthropologie, basé à Bordeaux. C'est d'ailleurs votre laboratoire qui vient de découvrir la toute première gravure pariétale attribuée aux Néandertaliens. Mais partons pour Nazareth, puisque la découverte dont nous allons parler est toute proche de ce village, la grotte de Kafsé. Cette partie du Proche-Orient serait particulièrement importante dans notre lointaine préhistoire, Anne-Marie Tillier ? Oui, puisqu'elle permet d'établir aujourd'hui la présence d'un groupe humain qu'on a qualifié de premiers hommes anatomiquement modernes, qui ont été trouvés dans un contexte archéologique dit moustérien, qui n'est pas sans rappeler le contexte moustérien des Néandertaliens d'Europe. Israël et le Proche-Orient sont le terrain d'une étonnante rencontre. Nous voici à la jonction de deux groupes humains. Sans doute plus de deux groupes humains, puisque nous sommes dans une région, le Levant est considéré comme une zone corridor entre l'Asie et l'Afrique, et qu'il y a eu certainement des mouvements de population, soit venant du sud, soit venant du nord-est ou du nord-ouest. C'est une région qui a connu une histoire très longue d'occupation avec différents groupes humains. Alors, l'homme de Néandertal est avant tout européen, ça, vous ne me contredirez pas. Peut-il être aussi proche-oriental ? Certains de mes collègues le pensent qu'il y a eu une migration de l'Europe vers le Proche-Orient et que des Néandertaliens sont présents, notamment donc en Israël, mais également en Syrie, au nord de la Syrie, voire en Irak. Nous sommes quelques-uns à penser que ces Néandertaliens ne sont pas identifiés au Proche-Orient comme tels. En tout cas, il y a une population qui a peut-être eu des liens avec les Néandertaliens européens, mais qui n'est pas pour nous sensu stricto des Néandertaliens. Alors, qui sont-ils ? C'est très nouveau, je n'étais pas du tout au courant de ce point de vue. C'est du vrai dans votre que laboratoire. Je fais partie... Là, vous mettez les pieds dans le plat. Je fais partie d'un groupe minoritaire. J'y associe Baruch Ahrensburg de l'Université de Tel Aviv, notamment, ou Alan Mann de l'Université de Princeton aux États-Unis. Nous pensons qu'il est trop caricatural d'envisager le peuplement du Proche-Orient selon une dichotomie néandertalien-homme moderne. Et d'ailleurs, les découvertes récentes de la génétique dans le reste de l'Europe nous montrent bien qu'il y a eu plusieurs groupes humains à des plus ou moins contemporains, on va dire, avec des industries quelquefois similaires. Et tout cela est en train d'être revu petit à petit au fur et à mesure des découvertes. Mais c'est quand même étonnant. Quand un chercheur dit qu'il a affaire à un néandertalien, c'est bien sûr sur des critères tout à fait scientifiques. Vous pouvez remettre en cause sur d'autres critères cet avis-là ? Non, disons que la définition biologique du néandertalien repose sur l'étude de son squelette. Et l'élément le plus pertinent de son squelette est considéré comme étant celui qui est représenté par la tête osseuse. Et dans certains des sites du Proche-Orient où des collègues identifient des Néandertaliens, on ne retrouve pas les caractéristiques sur la tête osseuse que l'on trouve sur les Néandertaliens européens. Olivier Dutour, vous êtes d'accord avec cette théorie et ce courant représenté par Anne-Marie Tillier ? Moi, je ne suis pas tout à fait le bon spécialiste de la question. Je pense qu'effectivement, les deux modèles s'affrontent. Et bon, pour l'instant, les deux groupes, on va dire, des courants de pensée sont toujours en discussion sur cet aspect. En tout cas, Bernard van der Mersch entreprend des fouilles dans la grotte de Kafsé, donc en Galilée, en Israël aujourd'hui, dans les années 1960. Que cherche-t-il à cette époque ? Écoutez, il reprend en quelque sorte le flambeau des fouilles françaises qui avaient lieu avant la Première Guerre mondiale sous la houlette du consul de France à Jérusalem, René Neuville, et qui avaient été interrompues par la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu, dès les années 30, des découvertes de pièces fossiles humaines. Et bien sûr, quand il a repris les fouilles à l'initiative de Jean Piveteaux, c'était avec l'espoir de faire de nouvelles découvertes. Il faut peut-être dire que les Anglais étaient au Mont Carmel, donc pas très loin, aussi les Anglais, sur les mêmes thématiques. Oui, avaient fouillé au moment où René Neuville fouillait en Galilée. Les Anglais et les Nord-Américains travaillaient sur le Mont Carmel, au sud de la ville de Haïfa. Que découvre-t-il ? Il a beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que dès la deuxième année de fouille, il a mis au jour notamment une sépulture double, qui reste aujourd'hui la plus ancienne sépulture associant deux défunts, qui a été trouvée pour le paléolithique moyen en contexte moustérien dans le monde. Alors sépulture double, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils auraient inhumé au même moment, dans un même instant, deux individus ? Disons qu'on n'a pas, on a en archéologie aucun moyen de démontrer de manière absolue la simultanéité exacte de deux dépôts. Ce qui est sûr, c'est que les deux individus ont été déposés dans un temps très court dans la même fosse. C'est pour ça qu'on peut parler de sépulture double. Olivier Dutour, les sépultures multiples, par la suite, il y en aura quantité. Le fait de s'être enterré à 1, 2, 3, 4, 5, en même temps, ça existe tout à fait en préhistoire et en archéologie. Oui. En préhistoire, en archéologie, pour les périodes anciennes, pour les périodes récentes, effectivement. Et c'est un peu des challenges pour les anthropologues. On n'étudie pas une sépulture multiple comme on étudie une sépulture unique. En tout cas, ce que découvre Bernard van der Mersch, c'est des hommes modernes, des homo sapiens sapiens, dont on pourrait dire qu'ils sont archaïques, en tout cas très très vieux. Ils sont très vieux, ils sont datés maintenant par différentes méthodes radiométriques autour de 100 000 ans avant notre ère. Ils sont un petit peu plus récents que ceux qui ont été datés dans le site de Skoul, donc sur le Mont Carmel, au sud de la ville de Haïfa, dont les datations récentes remontent maintenant, font remonter ces fossiles humains à 130 000 ans. Alors j'ai utilisé le mot archaïque, j'imagine que vous n'êtes pas forcément d'accord. Je ne suis pas d'accord. Déjà, je dirais que ce sont des hommes anatomiquement modernes. Le terme même de modernité peut être discuté par des collègues et fait l'objet de nombreuses discussions et de débats actuellement, puisque quand on parle de modernité biologique, on la définit par rapport à nous-mêmes. Il y a un petit peu d'anthropocentrisme dans l'histoire. Que sait-on aujourd'hui sur cet ancêtre de Cro-Magnon, de vous et de moi ? Son ancienneté serait encore sûrement bien plus ancienne. On parle de 150, 200 000 ans carrément ? Probablement. Disons qu'il y a eu des découvertes faites en Afrique de l'Est, dans des sites d'Éthiopie, qui laissent supposer qu'on a là peut-être un prédécesseur direct des hommes de Skoul et de Kafsé, autour de 150-160 000 ans, selon les collègues nord-américains qui ont fait l'étude, Tim White et son équipe, à Ertobouri. Il y a peut-être effectivement une ancienneté plus grande en Afrique de l'Est. Mais pour l'Afrique, c'est le seul endroit où on peut parler d'ancienneté de l'homme moderne. En tout cas, l'homme moderne est africain. Dans l'état actuel de nos connaissances, peut-être qu'on peut dire cela, mais vous savez, les découvertes remettent sans cesse en cause des idées reçues. Et c'est ça qui est bien, justement. Oui, c'est le plaisir de travailler dans ce domaine. Et d'ailleurs, est-ce que la génétique peut vous aider dans cette longue remontée vers l'ancienneté de l'homme moderne ? Disons, c'est plutôt les archéologues qui peuvent aider les généticiens, parce que si on ne trouvait pas les squelettes humains, ils n'auraient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce que trouvent les anthropologues de l'époque, ce sont des sépultures. Nous voici sur l'émergence du phénomène funéraire. En un mot, donner une sépulture à un défunt est une des grandes étapes de l'histoire de l'humanité. au même titre que le feu et le reste ? C'est une étape incontournable, disons, telle qu'on peut l'envisager aujourd'hui. Mais il y avait certainement d'autres gestes funéraires qui peuvent nous échapper dans la mesure où ils n'ont laissé aucune trace. Le dépôt funéraire intentionnel marque une étape importante, en tout cas nous permet d'appréhender l'émergence d'un geste funéraire chez les hommes préhistoriques, mais il y a peut-être eu d'autres gestes funéraires plus anciens qui nous échappent encore. Olivier Dutour. Oui, tout à fait. Je crois qu'effectivement, Anne-Marie a très bien résumé la chose. C'est une preuve archéologiquement visible. Mais il y a très certainement eu des comportements complexes qui n'ont laissé aucune trace archéologique. Nous serions ici sur les plus anciennes sépultures de l'humanité ou y a-t-il désormais encore plus vieux ? Non, pour l'instant, c'est le vent sud, donc en Israël notamment, qui a livré les plus anciens témoignages de sépultures intentionnelles. À Skoul, d'une part, à 130 000 ans, et à Kavzé, un petit peu plus récent, autour de 100 000 ans. Le phénomène funéraire, c'est réellement la preuve, malgré tout, de la présence de la métaphysique ? Je laisse à d'autres d'aborder cette question en disant qu'il y a certainement une reconnaissance vis-à-vis du défunt de la part de la communauté. S'engager dans la métaphysique, sur ce point, je ne suivrai pas mon collègue Marcel Hoth. Nous parlons de l'homme moderne, mais il y a aussi, à la même époque, Néandertal. J'aimerais rendre hommage à Bernard Vandermeersch au travers de ce qu'il m'a dit il y a désormais bien longtemps. Ce qui compte, je résume bien sûr, ce qui compte, ce n'est pas d'être un homme moderne ou un néandertalien. L'important, c'est d'appartenir à une culture. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que... Ce qui est sûr aujourd'hui, moi je dirais, c'est qu'il faut distinguer ce qui est ne pas associer un comportement dit moderne, du point de vue culturel, à une identité biologique. C'est évident. Olivier Dutour, quelques exemples. Vous avez eu des terrains très particuliers. Je pense par exemple, vous avez travaillé sur une société que l'on appelle les Latériens, normalement qui se développe entre Égypte et on va dire Maghreb. Oui. Ces individus n'appartiennent bien sûr pas à la même culture que celle du Moustarien qui fait l'objet de cette émission aujourd'hui. Est-ce que ceux-là enterrent leur mort ? Difficile à dire parce que, ben, justement, on n'a pas de traces, enfin, en tout cas à ma connaissance, de véritables sépultures athériennes. C'est une culture qui reste originale à l'Afrique et dont on connaît encore relativement peu les supports biologiques. Donc physiquement, les Athériens sont relativement mal connus. On les cherche, mais on ne les a pas encore trouvés. Donc il n'y a pas de sépulture athérienne à ma connaissance. Donc ils n'enterraient peut-être tout simplement pas leur mort ? Non, je crois qu'il y a... L'absence de preuve et pas la preuve de l'absence, c'est une porte ouverte, mais non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Nous avons fait, sans le savoir, de la phylogénèse. Reste que les anthropologues s'intéressent beaucoup à l'ontogénèse. De quoi s'agit-il, Anne-Marie Tillier ? Vous êtes une spécialiste, justement, de cette ontogénèse. Oui, enfin, je ne suis pas la seule. Hélène Cocogneau travaille aussi dans ce domaine depuis longtemps. L'ontogénèse, c'est l'étude de la mise en place des caractères qui définissent l'adulte. Donc, on suit la mise en place des caractères au cours de la croissance de l'enfant. Moi, je préfère parler aujourd'hui de doxologie, qui est l'étude de la croissance, un mot qui associe aussi bien les enfants des populations anciennes que les enfants des populations actuelles. Oxologie, ontogénèse, Hélène Cocogneau, un sujet bien sûr qui vous intéresse. Est-ce pour cela que les enfants de la préhistoire sont si intéressants, mais hélas si rares ? Oui, les enfants de la préhistoire sont très intéressants. Ils sont passionnants parce qu'en fait, ils portent des caractères qui sont difficiles à interpréter. Ce ne sont pas les caractères adultes, ce sont des caractères immatures. Et malheureusement, ils ont été encore trop peu étudiés. Et finalement, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on tente une étude sur des sujets immatures, on découvre des choses fantastiques, comme dans le cas de Kavzé. Justement, la grotte de Kavzé en Israël en possède non pas un, mais plusieurs. Anne-Marie Tillier ? Oui, dans cette grotte, les enfants sont majoritaires dans le nombre d'individus qui ont été identifiés. Et c'est là tout l'intérêt, notamment de l'étude que nous avons faite sur l'adolescent CAFZ11, le réexamen que nous avons conduit là récemment de ce spécimen. Alors on va se centrer bien sûr sur CAFZ11, mais j'aimerais qu'on parle des autres. Comment sont-ils en général? Qu'est-ce que l'on a comme enfants? D'ailleurs, je crois savoir qu'il y a plus d'enfants que d'adultes. Oui, il y a plus d'enfants que d'adultes, et ce qui est assez rare. Et il y a des enfants qui présentent des pathologies du développement, justement. J'ai eu l'occasion avec mes collègues israéliens et Bernard van der Merch notamment de publier il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, le premier cas d'hydrocéphalie connu en préhistoire. C'est exceptionnel. Oui, ça a été publié. Et il y a beaucoup de choses de cette sorte ou de la sorte ou... J'ai parlé de la sépulture double tout à l'heure, qui associe un enfant et un sujet plus âgé. L'enfant présente une fermeture précoce de la suture entre le frontal, l'os du front et les os de la voûte, le pariétal, qui a... Cette fermeture précoce a perturbé le développement du crâne de cet enfant. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle Hélène Coqueniot, Anne-Marie Tillier, et que vous êtes directrice de recherche au CNRS, Olivier Dutour, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, mais que vous êtes surtout trois spécialistes de paléoanthropologie biologique. C'est bien comme ça que l'on dit, Anne-Marie Tillier? Oui, paléoanthropologie suffit. Ou anthropologie biologique. Ou paléopathologie. Ça fait beaucoup. En tout cas, dès la fouille, à l'époque, donc 1965, les chercheurs et Bernard van der Merch avaient remarqué un enfoncement du crâne. Qu'avait-on alors pensé? Alors, ce n'était pas dès la fouille, hein, parce qu'il faut que vous sachiez que quand on prélève les sépultures dans de la brèche, qui est quelque chose, un sédiment très induré, on prélevait les sépultures en bloc et on les fouillait au laboratoire. Et c'est lors de la fouille au laboratoire que Bernard van der Merch a été intrigué et a demandé son avis au professeur Jean Dastug, qui avait fait un premier examen. Il était médecin et pathologiste. Et il avait conclu que ce traumatisme était sans doute quelque chose de bénin qui n'avait pas eu de conséquences sur la survie de l'enfant. Et en fait, je n'étais pas satisfaite tout à fait de cette interprétation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à Olivier et Hélène de reprendre ce travail en réalisant, grâce à Israël Herschkowitz de l'Université de Tel Aviv, des scans, des CT scans du crâne de cet enfant pour le faire un réexamen et confier l'étude, disons, du point de vue imagerie médicale à Hélène, qui peut en dire plus à l'instant. Où est le fossile aujourd'hui? Le fossile, comme tous les fossiles humains trouvés à CAFZ lors des fouilles de Bernard van der Merch, est conservé au département d'anatomie de l'Université de Tel Aviv. Alors, il s'agit là d'un très rare cas de violence, puisqu'il y a traumatisme, voire peut-être même d'un simple accident. Il faut dire que le conflit n'existe absolument pas durant la préhistoire, du moins il y a 100 000 ans, Olivier Dutour. Ça, on n'en sait rien. Je pense que la violence a toujours existé, les accidents aussi. Là, dans le cas présent, il est très difficile de se prononcer sur une violence interpersonnelle ou sur un phénomène accidentel. Anne-Marie Tillier ? Je suis d'accord. On ne peut pas savoir quelle est l'origine exacte du traumatisme crânien que cet enfant a subi. À quel âge est-il mort ? On peut dire qu'il est décédé aux environs de 12-13 ans. Et on peut savoir à quelle époque il aurait eu ce traumatisme? Il l'a eu certainement à une époque plus jeune. Et lorsque Hélène Coqueniot a travaillé sur la reconstitution de l'endocrâne, on a pu constater qu'il avait effectivement un retard de croissance. N'est-ce pas, Hélène, sur l'endocrâne? Oui, en fait, cet enfant donc de 12-13 ans, comme le disait Anne-Marie, présente un volume endocrânien, enfin, un cerveau, si vous voulez, qui correspond à celui d'un enfant de 6 ans. Et il est actuellement connu dans la littérature que des traumatismes qui arrivent dans l'enfance peuvent bloquer des phénomènes de croissance, et notamment de croissance du cerveau. Donc, notre hypothèse est que cet adolescent a eu ce traumatisme autour de l'âge de 6 ans. Hélène Coqueniot, justement, vous avez repris cette étude avec des moyens très modernes de l'imagerie trois dimensions. Quels étaient dans ces cas-là vos objectifs, voire même votre méthodologie? Oui, il a été passionnant de reprendre cette étude en utilisant les méthodologies 3D que nous développons au laboratoire. Et ces méthodologies sont devenues de nos jours incontournables dans notre discipline. Grâce à ces méthodologies 3D, donc, nous avons pu reconstruire des parties manquantes, notamment donc, le cerveau. Nous avons pu reconstruire le cerveau de cet enfant et voir effectivement donc, que le traumatisme crânien avait créé donc, un enfoncement du cerveau et donc entraîné des séquelles neurocognitives chez cet enfant. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. Hélène Coquenio, ce que vous faites, c'est une sorte de moulage de l'endocrâne, c'est bien ça, de l'intérieur du crâne? C'est ça, c'est-à-dire que virtuellement, on recrée le moulage endocrânien sans avoir à toucher le crâne. Donc là, on n'a aucun problème au niveau de la conservation du crâne. On recrée virtuellement l'endocrâne et on l'étudie de façon très précise grâce donc, au logiciel qui est développé dans notre laboratoire par Bruno Dutailly, qui est un logiciel, donc, qui, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est un logiciel qui permet d'avoir... une reconstruction extrêmement précise, extrêmement fiable, biofidèle. Et donc, grâce à ça, on a pu voir ce qu'on appelle une embarrure, donc un enfoncement de l'endocrâne au niveau du traumatisme crânien frontal. Ce que vous me dites là, c'est que votre laboratoire fait ça, mais les autres laboratoires ne peuvent pas le faire, c'est bien ça, hein? Et qu'il y a 10 ans, en tout cas, on ne pouvait pas non plus le faire. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas le faire. Et les autres laboratoires peuvent le faire, puisque ce logiciel est libre et il est téléchargeable sur le site web du laboratoire PACEA. Il y a une compétition inter-laboratoire, une stimulation. L'anthropologie, c'est un monde qui va vite, qui bouge, qui publie aussi dans des très grandes revues. Vous en êtes aujourd'hui l'exemple. PLOS ONE, c'est quand même une des plus grandes revues mondiales. Oui, il y a une stimulation. Donc, tous les laboratoires ne font pas la même chose. Donc, à Bordeaux, on est vraiment spécialisé dans le développement. C'est-à-dire que nous considérons que l'imagerie n'est pas un simple outil. Nous avons une équipe de recherche qui travaille sur des développements méthodologiques de la 3D appliqués à l'anthropologie. Donc, c'est pour ça que le logiciel TIVMI est né. Et c'est vrai que nous faisons des recherches méthodologiques en imagerie que ne font pas tous les laboratoires d'anthropologie biologique. Alors, est-ce que l'on peut faire de la paléo-anthropologie biologique sans faire du 3D aujourd'hui, Anne-Marie Tillier? Ça devient difficile. Non, moi, je vous avoue que j'étais très contente des conclusions auxquelles nous sommes arrivés en reprenant l'étude de ce fossile, de cet enfant, parce qu'on a pu aller bien au-delà des premières investigations et proposer une interprétation quant à la pathologie qu'avait subie cet enfant. Justement, voyons-la. Le résultat est étonnant. Non seulement l'enfant a survécu, mais il est atteint de troubles terribles. Hélène Coquenio? Oui, de troubles neurocognitifs et surtout de troubles de la communication avec les membres de son groupe. C'était un enfant assez particulier, oui. Alors, des troubles neurocognitifs et de la relation sociale, comment cela se matérialise? Est-ce que l'on peut le matérialiser? Olivier Dutoux? Oui, je crois que ce qu'a montré Hélène donc, avec cette nouvelle méthodologie, c'est effectivement une lésion focale qui était beaucoup plus grave que ce que Jean Dastugue avait pensé avec les moyens de l'époque. Et en fait, avec la littérature clinique et avec les lésions qui ont été objectivées, on peut dire qu'il y avait deux types de troubles. Les troubles généraux qui sont caractéristiques des traumatismes crâniens graves, qui sont les troubles de la personnalité et de l'humeur. Et les troubles neurologiques qui sont focaux, qui sont liés à la plaie crânio-cérébrale qui a été identifiée donc, pour la première fois sur cet enfant. Et donc, c'est le contexte frontal. Donc, on est dans des zones qui tiennent à la communication, à la relation sociale, aux praxies. Alors, une praxie, c'est le schéma moteur de réalisation donc, de gestes pour accomplir une tâche complexe. Cet enfant était probablement très handicapé en termes de tâches complexes et de communication sociale. Et en tout cas, il a eu aussi un retard dans la croissance, c'est bien ça? Oui, dans la croissance cérébrale et peut-être dans le reste de la croissance. Oui, dans le reste de la croissance. Peut-on donc penser qu'il ait été pris en charge par le groupe? Un fait tout à fait exceptionnel pour un adolescent de 100 000 ans. Prise en charge, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, il a été traité d'une manière très particulière, notamment au moment de son décès, puisque c'est le seul individu mis au jour dans le site qui a été inhumé accompagné d'une offrande représentée par une partie de bois de cervidé. C'est un exemple unique pour le site et ça reste actuellement le cas le plus pertinent mis au jour pour cette période-là au Proche-Orient. Alors je disais prise en charge par le groupe dans ces cas-là. Est-ce qu'ils pouvaient chasser? Est-ce qu'ils pouvaient manger? Est-ce qu'ils pouvaient se déplacer normalement, Olivier Dutour? Je crois qu'on peut dire que c'était un enfant qui pouvait accomplir des tâches motrices simples, éventuellement un peu parler, un peu communiquer, manger, marcher, mais tout ce qui était complexe et qui demandait, disons, une conception de réalisation et un enchaînement de gestes, lui était probablement beaucoup plus difficile. Il fut donc inhumé dans une fosse de la grotte et reposa 90 000 ans. Mais cette tombe nous en dit encore plus sur ce que nous avons été, sur ce que nous sommes. Oui, et en l'occurrence, pour ce qui est de cette période-là, c'est un témoignage d'une compassion vis-à-vis d'un défunt. Et j'aimerais qu'Olivier fasse allusion à un échange qu'il a eu récemment avec un collègue ethnologue sur ce point. Oui, effectivement, une collègue de l'EPHE pardon, qui m'a transmis le fait que pour lui, il travaille sur la Sibérie et sur le chamanisme, effectivement, chez les chamans, n'importe qui n'est pas chaman, donc il y a une personnalité particulière. Et par ailleurs, les chamans sibériens ont une association particulière avec les cervidés. Voilà, peut-être il ne faut pas aller plus loin dans l'interprétation de la sépulture de Kavze 11. C'est-à-dire que dans la grotte, tout le monde est à peu près inhumé, mais cet enfant a une tombe creusée dans un calcaire tendre et a été inhumé avec un bois de serre, je dirais même presque un massacre, enfin pas de serre de daim, sur lui, une sorte d'objet particulier. C'est une partie de bois de cervidé qui a été déposée en contact avec les mains étant elles-mêmes ramenées à la hauteur du visage. Quand vous dites tout le monde a été inhumé, non. Pour cette période charnière qui est le paléolithique moyen, on n'a pas des preuves irréfutables d'inhumation systématique. Il y a 6 sépultures attestées à Kavze, alors que le nombre minimal d'individus est autour de la vingtaine. Donc vous voyez, c'est un pourcentage qui n'est pas absolue. Une société si ancienne, vivant dans des conditions difficiles, serait donc capable, vous parliez de compassion, on pourrait parler d'altruisme envers ses semblables? Oui, mais vous avez des exemples identiques ou proches, en tout cas dans leur manifestation, avec les Néandertaliens. Eric Trinkos l'a montré pour un site d'Irak. Olivier Dutour? L'altruisme ? Oui, je pense que c'est effectivement... ces comportements ne sont pas des comportements récents et je crois que là, effectivement, on a une preuve. Merci beaucoup Anne-Marie Tillier. Je rappelle que vous avez écrit chez CNRS Éditions un livre « L'homme et la mort » que votre article sur l'enfant de Kavze est disponible en ligne, notamment sur le site internet « Dans les pas des archéologues » de Nicolas Constant. La semaine prochaine, nous serons en Normandie pour voir l'apparition des sociétés complexes néolithiques, bien entendu. Archéologia, partenaire du Salon Noir, vient de faire paraître son dernier numéro au sommaire Roissy et ses fous, notamment gauloise, les découvertes du Mont Beuvray, Bibracte, mais aussi les origines de la momification égyptienne et l'archéologie de la vigne et du vin. À lire donc. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Vincent René, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.